à la mûre et à Toramonte. Et il y avait un employé déjà. Un employé ou deux employés. À l'époque, ils étaient deux parce qu'ils travaillaient nuit et jour. C'est lui qui faisait marcher la machine au point de vue alimentation du feu. Après, c'est nous qui remplissions l'alambic, qu'on le vidait, et ainsi de suite. Et lui était, pour ainsi dire, le chauffeur qui apportait le chauffage. Mais ce n'était pas le même système entre... Mais sur les deux coopératives étaient identiques. Il y avait deux employés, et donc automatiquement, la personne qui faisait marcher l'alambic ne s'occupait que de la pression, vapeur, et du chauffage. Le client, il tassait, il portait la paille à côté du foyer, c'est tout. Donc la personne qui était embauchée, elle faisait ouvrir le four et surveiller la C'était personne. un peu lui le responsable, vous Voilà, voyez, le chauffeur. responsable. Prenez les rendez-vous. C'est lui, c'est pas lui, il arrive là, il s'est dédié, il a plu, je peux pas venir, ainsi de suite, quoi. Et à l'époque, ça se passait, il n'y avait pas de portable, hein, ça se passait un peu par. Et à la mûre, ils sont arrivés à 2000 bouillies. Hein. Ça fait 2210 bouillies, 2210 Incroyable. tarantolas. Moi, il me l'avait dit, et j'ai un regret énorme que sur ce bouquin qui a été écrit il y a quelques années en arrière, on parle beaucoup de Toramotte, on a laissé tomber la mûre. Et Henri Tarantola, c'était un type qui était très spécialiste, mon gars, il peut le dire. On a Il n'y a tombé. aucun bouquin, aucun registre qui a été pris par La ce mûre, mec. ça a tombé, que c'est moi le premier qui ai décidé. On a rempli la bouillie, et pof, l'alambic s'est percé. Ah non, mais ça c'était trop tabac, il n'avait pas fait le plein. Non, l'alambic était cuit, il était Il pourri. était cuit, mais Et il n'a pas fait le plein aussi. on a tout C'est sorti, une erreur, on a tout je me sorti, on l'a rappelle. porté à Toramota. Non, mais je me Tu te rappelle, je me rappelles? rappelle. Oui, il a fait le plein, mais il n'a pas mis d'eau. Ah, Hein? Je me là, rappelle. Si, mais c'est il était cuit, hein, catégorique. André. Il a Non. marché 30 ans, cet alambic. Il n'a pas mis d'eau. C'est le même système entre la mûre et toi et toi. Exactement le Et même. même. Elle est au Pas musée, même. celle de la mûre. Elle est au musée de dans la Drôme. Quand ils l'ont démontée, ils l'ont vendue aux francs symboliques. Elle est pas morte, elle est toujours. Elle est dans un musée, quoi. De Relecimant, il le sait où c'est qu'elle est. Parce que tu te rends L'ancien compte, nom. à la mûre, comment ça a marché, quand en fait, il avait 40 000 ou 50 000, oui. Oui, Et mais alors à l'époque, Toramotte aussi, il a tourné plein pot. oui, mais à l'époque, à la mûre, à l'époque, on avait un modèle pour chauffer, on mettait des pneus. Voilà, des Alors, les orientations pneus totales voitures de la fonction. usagées. La Alors fonction. ça, peut-être ça. C'était de l'idiotie complète. Eh bien oui, quelque chose Le de faire. truc, les pneus Ça de deux chauffait chevaux, les pourri. pneus de quatre ailes, de l'huile de vidange dans le foyer pour mouiller la paille, ça fumait On noir, m'avait pas dit c'était. ça tout à l'heure, hein. Vous m'avez dit que ça Mais moi, fonctionnait seulement à la paille de lavande. normalement, oui. C'est normalement Oui. appris Ah, que. normalement. Normalement, et Quand il après. pleuvait, voilà, le processus il est clair. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas le temps. Donc, automatiquement, quand vous avez une alambic et qu'il est en coopérative, vous avez Pierre, Paul, Jacques, et ainsi de suite. À partir de là, même au mois d'août, le 20 août, qu'est-ce qu'il fait? Ben, des fois, malheureusement, il pleut pendant environ 15 jours. Mais les clients, ils ont pris leur place. Ils sont obligés d'y scier parce qu'il y en a des tonnes qui attendent dans des champs. Il y en a des tonnes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le bouilleur, il est là. Il n'a plus de paille sèche. Ça va pas. La pression, on le baisse. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Puis on dit, ben, si on essayait un pneu, ça brûle vite. On va la faire. Puis on y met un pneu. Puis on met un deuxième pneu. Puis on met de l'huile de vidange. Et on voit qu'avec de la paille mouillée, on arrive à faire un travail pour apporter la chaleur. Comme ça. Eh bien. Ils l'ont fait, et bon, moi personnellement, ben j'attends. On J'attends. peut pas attendre, il est J'attends, puis nous, tellement. mais le problème, il n'est pas là. On passe un coup de fil, on va en téléphone à un paysan, t'as de la paille, on va acheter des bottes de paille, et en avant. Avant, ils regardaient tout, quoi. Et le problème, c'est vrai que des alambics ont plus morflé que d'autres, parce que ben, y a eu des. C'est des Moi, je les surchauffes. comprends, hein, ces gens-là. Plutôt que de dire la lavande, le pourri, il pleut depuis 15 jours, on remet certaines Salut. choses dedans. Bonjour. Bonjour. Voilà, quoi. Bonjour.